France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Jean Rouch est un cinéaste qui a beaucoup compté pour les cahiers du cinéma et la nouvelle vague. En 59, dans les cahiers de Moi un noir, Godard écrivait qu'il était le plus audacieux des films en même temps que le plus humble. C'est fichu comme l'as de pique, poursuivait-il, mais d'une logique à toute épreuve, car c'est le film d'un homme libre, au même titre qu'un roi à New York de Chaplin. Moi, un noir, c'est un Français libre qui pose librement un regard libre sur un monde libre. Rivette, quant à lui, disait quelques années plus tard « Rouch, c'est le moteur de tout le cinéma français depuis 10 ans, bien que peu de gens le sachent. » On retrouve ici Jean Rouch en 1957, à propos de son film « Les Maîtres Fous ». Voulez-vous maintenant nous parler du film qui vient d'être couronné, distingué à la Biennale de Venise, « Les Maîtres Fous » Ce film est un film qui est un pur document. Trècheville était un film relativement romancé. Le film Les Maîtres Fous est un film qui a été fait en une journée, un dimanche après-midi dans les environs d'Accra, et dont le titre est simplement la traduction littérale du nom d'une secte, la secte des Hauka, qui est la secte de Nigériens qui vivent à Accra. De quoi s'agit-il dans ce film? Ou d'une chose extrêmement simple. Ces jeunes hommes qui sont venus à la ville se heurtent à la ville. Et ce heurte est particulièrement brutal à Accra. Il s'ensuit certaines déviations mentales, certaines névroses, et les Africains ont trouvé le moyen de guérir ces névroses, alors que nous, Européens, nous connaissons encore mal ces remèdes. Mon film est, si vous voulez, un film qui est peut-être quelquefois assez violent, mais dont le but, le point de départ était, pour une fois peut-être, c'est de l'Afrique que les Européens apprendront quelque chose. Car je pense que, justement, dans le domaine psychologique, psychiatrique, psychanalytique, certains Africains sont très en avance sur nous. Ils connaissent des techniques thérapeutiques que nous ne connaissons pas encore. Et ce film montre justement l'une de ces techniques thérapeutiques par l'emploi de danse de possession, grâce à laquelle des hommes que je suis pendant ce film, qui ont des ennuis parce que, comme je vous l'ai dit, la ville les a heurtés, arrivent à se débarrasser de leurs complexes, de leurs névroses, et à redevenir, la semaine qui vient, des hommes comme les autres. C'est un film assez difficile, car... Oui, le sujet a l'air assez dur. C'est un sujet difficile pour deux raisons. Car effectivement, les danses de possession sont des danses assez brutales. Les hommes qui y participent ont des crises relativement violentes. Et dans le cas des Hauka, les divinités auxquelles ces hommes s'adressent ne sont plus le génie de l'eau, le génie de la foudre, le génie de la mer ou le génie de la brousse. Ce sont les dieux de notre propre civilisation. Autrement dit, ces hommes qui se sont heurtés à la ville et à notre civilisation s'adressent à cette même civilisation pour en faire une religion, c'est-à-dire pour se débarrasser d'elle. Car vous savez que quand on transforme des choses ou des êtres en dieu, cela prouve que l'on s'en éloigne. Le fait d'adorer quelqu'un, ça prouve qu'on l'aime moins. Eh bien, il se débarrasse de ces dieux qui s'appellent le gouverneur, le capitaine, le docteur, le caporal de garde, le chauffeur de locomotive. Pendant une journée, ils seront docteur, gouverneur, général, chauffeur de locomotive. Pendant une journée, ils pourront hurler, ils pourront crier des injures en français, en anglais. Ils pourront faire des saluts militaires, ils pourront organiser des parades. Ils pourront faire exactement ce qu'ils pensent être l'acte d'un militaire ou d'un fonctionnaire français ou britannique. Mais arrivés au paroxysme, lorsqu'ils feront des choses interdites, par exemple au moment d'un sacrifice, à ce moment-là, tout d'un coup, la crise s'arrêtera. Ils se seront extériorisés. Ils rentreront chez eux, fatigués, n'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé, et le lendemain, ils reprendront leur travail. Quitte à recommencer le dimanche suivant ou 15 jours plus tard. N'y a-t-il pas dans le culte vaudou, en faveur au Brésil, par exemple, le même procession? Si, vous avez un... Le même procédé, plutôt. Si, vous avez ce procédé et extrêmement répandu dans toute l'Afrique noire, et effectivement il a immigré jusqu'en Amérique du Sud et aux Antilles, mais les Hauka ont, je crois, réussi à se créer, à se développer, avoir un rituel, avoir une mécanique qui s'est parfaitement adaptée aux crises qui étaient en train de se produire dans la ville. Le vaudou est un vieux système qui s'adapte lentement, avec, par exemple, qui s'est adapté à la religion chrétienne. Les saints vaudous sont souvent des saints chrétiens. Saint du tonnerre, le saint... Exactement, et on les appelle Saint Joseph. Il y a Saint Joseph qui rentre... Saint-Georges. Saint-Georges également. Et alors que les Hauka sont une secte tout à fait à part, une secte de jeunes gens, ayant des règles extrêmement précises. Il faut être toujours bien habillé, il faut être parfumé, il ne faut pas courtiser les petites amies des autres membres de la secte. Et ces règles précises, il faut avoir une entraide complète. Lorsqu'un membre de la secte n'a plus d'argent, on est forcé de lui donner quelque chose. Ces règles de la secte, dès que quelqu'un essaye de passer à côté, il est puni. Par exemple, dans ce film, l'un des hommes avait courtisé la petite amie d'un de ses camarades. Eh bien, il s'en était suivi, une certaine déficience physique vis-à-vis de ses propres petites amies. Et depuis un mois, ce malheureux, qui était avant le Don Juan d'Accra, était devenu un Don Juan extrêmement passif. Il a été condamné à deux sacrifices de moutons. Il a été forcé sur sa maigre solde, ce garçon travaillait au Waterworks, aux travaux d'adduction d'eau d'Accra, d'acheter deux moutons, ce qui était quand même quelque chose d'important. Ça représentait peut-être 15 jours ou 20 jours de solde. Il a fait cet effort, il a donné ses moutons, et le lendemain, m'a-t-il dit, tout allait bien. Bonjour, merci de toutes ces précisions qui sont vraiment passionnantes. Dites-moi, je vais me montrer indiscret, en dehors de la récompense, quel accueil a reçu ce film à Venise? Eh bien, ce film a reçu, comme le disait Abidjan Matin, le prix de la série ethnographique et géographique, et a été accueilli d'une façon diverse, d'après ce que j'ai pu en savoir. D'une part, des gens ont reproché à ce film d'être trop brutal et d'autre part, de ne pas être assez explicite. Autrement dit, on a reproché à ce film de montrer des gens en état de crise, de faire des rapprochements. Par exemple, j'ai montré l'un des personnages possédés par Gomno, c'est The Governor, qui est le gouverneur de Ghana, et j'ai montré le modèle. Le modèle, le gouverneur anglais chapeauté de plumes. Et on m'a reproché d'avoir fait ce rapprochement. Et d'autre part, de ne pas avoir été assez explicite, par exemple, sur ce côté psychiatrique. Et là, j'ai voulu quand même être extrêmement prudent, car ce film était un film ethnographique. Il a été d'ailleurs primé dans cette catégorie. Et ce n'est pas à moi d'essayer de conclure, ce n'est pas à moi d'essayer, par exemple, de rapprocher les névroses de ces hommes d'Accra et les névroses des gens que l'on peut rencontrer aux alentours de Sainte-Anne ou chez les psychanalystes en France. Non, c'est à un psychiatre de faire ce travail. Ce n'est pas mon travail. J'ouvre une voie. Vous l'avez simplement dénoncé. Je l'ai simplement dénoncé. Donc, le film est effectivement un film difficile. Seulement, une chose est assez intéressante, et c'est ce que j'ai appris, c'est que la plupart des spectateurs qui ont eu la première projection, et ceci m'est arrivé à moi également, la première projection est assez difficile, mais ont tous demandé à le revoir. Et c'est à la troisième projection qu'ils ont trouvé que ça collait au contraire extrêmement bien. Évidemment, c'est un domaine assez compliqué, mais c'est un domaine dans lequel, personnellement, je crois que la voie du cinéma existe. Si vous voulez, ce film, je l'ai fait avec l'accord complet des gens que j'ai filmés. Je vais même plus loin. Si un jour j'ai la possibilité de projeter ce film au Ghana, je sais que les membres de cette secte achèteront un appareil de projection et projetteront ce film qui deviendra un élément du rituel. Ils en ont déjà vu certains bouts et ils voudront l'avoir dans leur rituel. Autrement dit, il y a entre le réalisateur de film et les gens qu'il a filmés une espèce de dialogue. Et c'est ce dialogue, moi, qui m'intéresse. Si vous voulez, la réaction de la Biennale de Venise, évidemment, me fait plaisir. Oui, bien sûr. Je serais stupide de dire que ça m'a laissé complètement indifférent. Non, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi? Eh bien, c'est que les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte qu'il peut exister un dialogue absolument extraordinaire entre les gens qu'ils étudient ou qu'ils filment et eux-mêmes. Et que ce dialogue vient justement de ce moyen miraculeux qu'est le film. Tout d'un coup, quand vous promenez sur un dans une cérémonie, dans une ville, quand vous allez dans un pays où les gens ne savent pas lire, ça n'a aucune importance. Tout d'un coup, vous mettez un mur blanc sur un mur blanc, vous projetez une image, et tout d'un coup, les gens se voient. Et tout d'un coup, ils comprennent ce que vous avez fait. Tout d'un coup, ils ne connaissent pas votre langue, ils ne savent pas lire, mais ils comprennent un message. Ils lisent le message cinématographique. Oui. Et ils savent ce que vous avez voulu dire d'eux. Ils savent si vous êtes venu gentiment ou méchamment, si vous êtes venu avec méfiance, avec orgueil, etc. Et c'est ça qui me paraît important. Jean Rouch, à propos de son film Les Maîtres Fous, a été diffusé pour la première fois le 1er septembre 1957. Vous pouvez réécouter cette émission à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.